Je pars avec un handicap d'un petit mètre 67. La malédiction de vos papes et 14 vues sur internet. Plus de visa depuis le mois d'août. Une copine qu'on appelle une ex. Ma mauvaise foi au jeu de foot et ce manque d'amour qui me vexe. Des blagues qui ne vous font pas rire, comme un air de chien abattu. La fatigue de toujours courir, faut-il le dire, un brin perdu. L'allergie à trop de poussière, la nostalgie dans les greniers, la mémoire noyée dans la bière. De conneries jamais oubliées. Mieux que vous, les choses qui tâchent le décor. Sauf que je ne crie pas au loup, j'ai le sourire d'un labrador. Et si je chiale et l'heure d'avant, là ce n'est pas un masque, bordel. C'est seulement ça d'être vivant. Ces bas font que la vie est belle, avec ses merdes et ses joies, ses sourires et ses dépressions. C'est non, c'est oui, c'est parfois, ses imprévus, ses impressions. Si j'ai approché l'overdose, à m'en cogner contre des poutres, c'est en toute connaissance de cause que je vous envoie vous faire foutre. Si mon sourire vous revient pas, car des sourires